boudin. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la zone pour le pâté de maison comme un vieux livre c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Mercedes arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce lundi 25 septembre 2023 en direct dans le 12-13h, rediffusion 19h et lendemain matinal dès 8h. Le programme des mots, des sons sensibles, l'actualité politique, sociale et culturelle, l'actualité politique chargée cette semaine. Nous aurons l'occasion plus particulièrement et de façon détaillée eh bien d'y revenir demain, en ce mardi 26 septembre. Autant vous annoncer aussi déjà le menu de la semaine à venir. En effet, élection sénatoriale hier, un conseil municipal de rentrée à Saint-Étienne qui se tient cet après-midi et que nous allons suivre attentivement afin de vous en rendre compte au mieux, précisément dès lendemain d'eux, c'est-à-dire demain mardi. Et puis un conseil de Saint-Étienne Métropole également qui se tiendra cette fin de semaine, ce 28 septembre. Et vous verrez que tout cela est étroitement mêlé. Bref, ce sera l'actualité politique, donc, ou les actualités politiques ce mardi 26 septembre. On laissera place à la culture de façon plus générale aussi ce jeudi dans ce même programme. Culture et musique notamment avec eh bien, en ce début du mois d'octobre approchant la nouvelle édition du Rhino Jazz, 45e édition, on aura l'occasion d'en parler ce jeudi et nous parlerons également de la rentrée du fil qui se poursuit même si la soirée de lancement a eu lieu hors les murs ce week-end passé. En ce jour, c'est-à-dire ce lundi 25 septembre, nous allons évoquer la question agricole et alimentaire. Il est largement question d'agriculture paysanne en ce mois de septembre, fin septembre, début octobre, avec tout d'abord les AMAP, en fait, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, avec des mots d'ordre qui nous conviennent parfaitement ici, de bonnes ondes, pour un autre monde. Voilà, les AMAP et fermes en AMAP qui ouvrent leurs portes, qui proposent de nombreux événements. Cela s'est ouvert le 19 septembre dernier et se prolonge jusqu'au 19 octobre prochain. Autant vous dire que les événements locaux sont nombreux, avec des portes ouvertes sur les AMAP locales, toujours actives et à suivre, nombreuses sur la ville de Saint-Étienne et en périphérie. Pour les prochains rendez-vous locaux, pour exemple, une soirée ciné-débat, Bienveillance paysanne, qui aura lieu à Saint-Chamond le 7 octobre. Puis le 26 septembre, les 3 et 10 et 17 octobre prochains encore, portes ouvertes de l'AMAP de Chaplon pour Saint-Étienne. Bref, plus d'informations sur ces événements dans la Loire, c'est amap-en-fête-au-pluriel.org et vous allez sur le département de la Loire ou les départements qui vous intéressent et vous aurez tous les événements détaillés. Nous allons parler d'agriculture paysanne avec le Salon de l'agriculture paysanne, renommé de l'alimentation également pour sa troisième édition qui se tenait les 9 et 10 septembre dernier par que Joseph Sangdols puis Couriot à Saint-Étienne. Une troisième édition pour ce salon vert de terre qui, je le rappelle, a pour but de faire connaître l'agriculture paysanne de la Loire, de réfléchir à son avenir ainsi qu'à notre alimentation, à la façon de la produire et à la possibilité pour toutes et tous de la choisir. Il a pour ambition de promouvoir une agriculture soucieuse du bien-être des consommateurs, des consommatrices, des générations futures, de notre environnement, mais également du bien-être animal et celui surtout humain, c'est-à-dire celui des principales concernées, les paysans et paysannes. Le Salon de l'agriculture paysanne et de l'alimentation, un événement partenaire, le Salon Vert de Terre qui se tenait les 9 et 10 septembre dernier, sur lequel nous revenons aujourd'hui alors que nous avons sonorisé et enregistré l'ensemble des conférences débats qui se tenaient dans le cadre de ce Vert de Terre 2023. Une troisième édition marrainée, je le rappelle, par Bénédicte Bonzi qui est docteur en anthropologie sociale. pour vous la présenter très rapidement parce que cela ne va pas être fait dans la conférence que vous allez suivre d'ici un instant. Elle a effectué 5 années de recherche avec les bénévoles des Restos du Cœur, pendant lesquelles elle a caractérisé les violences alimentaires pour mettre en visibilité les impacts physiques et psychologiques de l'aide alimentaire sur les personnes. Son travail l'amène à réfléchir au système alimentaire et à la manière dont toutes et tous pourraient avoir accès à une alimentation digne et de qualité, rémunératrice pour les paysans et paysannes et bonne pour l'environnement. Des conférences débat, on vous en a proposé une première il y a déjà quelques jours de cela qui portait sur la question démocratique alimentaire avec la proposition de sécurité sociale de l'alimentation. Une présentation générique qui faisait l'objet d'une première conférence et d'une première diffusion d'ailleurs sur cette antenne il y a quelques jours. On va vous proposer aujourd'hui et je vous propose de revenir sur une de ces deuxièmes rencontres, conférences, débats avec précisément un ancrage beaucoup plus local ou plus concret peut-être avec la présentation ou les présentations des caisses communes alimentaires à la fois de Montpellier et celle qui est en travail ici dans la Loire et même à Saint-Étienne, la Caisse sociale de l'alimentation de Saint-Étienne. C'est tout ce que l'on vous propose de retrouver aujourd'hui en diffusion et en écoute. On vous renvoie bien entendu sur nos découvertes et partenariats musicaux cette fois et Ferrarock notamment avec nos artistes soutenus cette semaine, Laurence Anne ou encore Glauc sur le site ferrarock.org, en écoute sur les stations Ferra et sur le 89.5 de Dio tout au long de cette semaine, nous y reviendrons et puis encore dans le Dig Dig Diggers, le programme dédié à Ferrarock chaque vendredi 12h et 19h. Présentation de la Caisse commune alimentaire de Montpellier et de la Caisse sociale de l'alimentation de Saint-Étienne. C'est tout ce dont il sera question dans ce programme aujourd'hui. On vous souhaite une très belle émission. Bonne écoute en ce début de semaine. Des mots, des sons sensibles. C'est parti. Tout le monde, merci à tous d'être là. Pour commencer, du coup, moi je vais me présenter. Donc, je suis Thomas Benoît, je suis coordinateur de la Fabrique de la Transition. C'est un groupement de structures sur Saint-Étienne et alentour. Donc, on est membre, la Fabrique de la Transition est membre du COPIL de la Caisse sociale de l'alimentation, qu'on va présenter un peu là. Pour rappel, le titre de la conférence à laquelle vous êtes venu, donc ça va être les présentations de deux projets de caisse sociale, donc la Caisse commune alimentaire de Montpellier et la Caisse sociale de l'alimentation sur Saint-Étienne. On voulait aussi remercier les organisateurs du Salon Vert de Terre pour avoir mis tout ça en place et nous permettre de nous exprimer et de présenter un peu les projets. Et on les félicite aussi sur la cohérence de la programmation puisque ce matin il y a eu une présentation du concept un petit peu de sécurité sociale de l'alimentation, donc ça nous évitera de le refaire trop. En quelques mots quand même, la sécurité sociale de l'alimentation, donc c'était un peu dit ce matin, hein, mais c'est calqué sur le même système que la sécurité sociale de la santé. Plus ou moins, peu ou prou, en tout cas, il y a trois grands principes qui sont les mêmes. Le principe de la cotisation, je cotise selon mes moyens, je reçois selon mes besoins, un peu en phrase qui cadre un peu ça. Deuxième principe, c'est celui du conventionnement, conventionner où on peut dépenser l'argent issu de la cotisation, et un conventionnement qui est indépendant. Et ensuite, le troisième pilier, c'est celui de l'universalité, puisque l'enjeu ici, c'est bien de créer un droit qui est ouvert à tous. Le parallèle là-dessus, c'est cette carte vitale qu'on a tous et qui nous permet d'avoir un droit. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails que ça, simplement donc, le contexte là-dessus, c'est la création d'un nouveau droit social, calqué sur les enjeux du droit à l'alimentation, des enjeux assez larges, on les évoquait ce matin, la souveraineté alimentaire, la précarité alimentaire aussi, que ce soit pour les mangeurs, mais que ce soit aussi pour les producteurs et les paysans, par exemple, des enjeux de système alimentaire, de système agricole, de production, les enjeux environnementaux et climatiques, etc., etc., pour la liste. Là, on va être moins dans ces enjeux larges, je vais arrêter là, et plus sur l'étude et la présentation de deux initiatives locales. Donc ces grands principes qui sont des principes nationaux, ils vont être déclinés, expérimentés, sur des territoires par des initiatives souvent portées par des citoyens qui vont mettre en application ces trois grands principes que je vous ai présentés sur leur territoire. Évidemment, pour revenir à ce que je disais avant, ces initiatives-là, elles visent au final à aussi faire un peu de plaidoyer, de rapport de force, d'expérimentation pour aboutir à ce droit au niveau national, peut-être dans quelques années. Voilà, pour finir un petit peu l'introduction, je vais présenter les intervenants. Donc, comme ce matin, il y a Bénédicte Bonzi, que je ne vais pas représenter encore. Et ensuite, deux intervenants par projet de caisse, donc par territoire. Pour Montpellier, donc, on a Marco, qui représente le CIVAM Occitanie, qui est aussi chercheur et qui suit le projet de caisse commune. Elsa, toi, tu es membre du comité citoyen de la caisse commune de Montpellier. Philippe, qui représente COPSOL, dont tu nous diras peut-être quelques mots tout à l'heure, et surtout qui est membre aussi du comité de pilotage de la caisse sociale à Saint-Étienne. Et enfin Josiane, qui représente une asso d'EducPop et de pédagogie sociale, terrain d'entente, et qui est aussi membre du comité de pilotage. Voilà, donc on va commencer sur un premier temps pour un peu raconter ces initiatives sur les différents territoires. Donc si les principes, on les connaît tous, ils peuvent être déclinés d'une façon différente. Aujourd'hui, dans les initiatives, on voit que chacune des initiatives a fait des choix différents. Ces choix, ils sont dépendants d'une histoire, des acteurs, des partenaires qui constituent la démarche. Et en fait, les récits ont vraiment une grosse importance là-dessus. Et notamment, on va voir les points communs, les différences entre les deux projets de Saint-Étienne et de Montpellier. Donc d'abord, pour Montpellier, pardon, le projet qui est déjà un peu plus en avance, c'est un projet qui est déjà existant. La caisse, elle a été lancée dès février dernier pour cette expérimentation. Et je crois que c'est dans le cadre donc, d'une recherche d'action et d'un dispositif qui est un peu plus large que Montpellier. Et donc Marco, je te laisse la parole pour nous expliquer un peu tout ça. Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors, Marco Lecourat, moi je travaille pour le réseau des CIVAM en Occitanie. Donc effectivement, je ne suis pas chercheur. Même si on recherche plein de choses, mais pas dans un cadre académique. Par contre, oui, l'expérimentation de caisse alimentaire commune est aussi un volet de recherche action et de suivi, évaluation, dont je pourrais vous parler plus tard. Donc, moi, je travaille donc pour le réseau CIVAM, qui est un réseau d'éducation populaire porté notamment par des paysans et des ruraux. On travaille sur les questions de précarité alimentaire depuis une dizaine d'années. On questionne surtout la question de l'alimentation au regard de la précarité des consommateurs et la précarité agricole. Donc, on a porté différents projets et aujourd'hui, on est dans le portage à Montpellier, donc sur un territoire métropolitain, d'une expérimentation d'une nouvelle forme de solidarité qui, comme tu disais, a été un peu le résultat d'un travail, d'un projet national qui s'appelait Territoire à vivre, qui a été financé par l'État, qui a donné une marge de manœuvre au réseau associatif, qui était le réseau CIVAM, les Secours catholiques qu'on a entendu ce matin, le réseau VRAC, le réseau Cocagne et l'UGES, a donné une marge de liberté pour expérimenter des nouvelles formes de solidarité, tout en travaillant des sujets, des thématiques, des axes qui étaient importants pour revendiquer sur les territoires un droit à l'alimentation, qui était effectivement la démocratie alimentaire, donc la montée en puissance et la réappropriation des citoyens sur leur alimentation et plus largement sur le système alimentaire, la question des modèles économiques aujourd'hui, des alternatives et des initiatives qui essayent de faire autrement de la solidarité sur les territoires, autrement que l'aide alimentaire. Et troisième axe, prendre en compte la question paysanne et la question des acteurs du système agricole dans leur ensemble, qui sont, comme on disait ce matin, un peu tous touchés par des formes plus ou moins fortes de précarité alimentaire, de précarité. Donc le projet, effectivement, je ne sais pas jusqu'où je m'arrête pour un premier tour de parole. Le projet sur Montpellier était donc le résultat, donc cette caisse alimentaire commune. Le travail a commencé au printemps 2021 avec un gros travail de mise en coopération des acteurs. Le mandat qu'on avait était très large, donc sans objectif, on savait pas vraiment ce qu'on avait envie de mettre en place. Le projet est né avec cette idée de créons des dispositifs de coopération, une dynamique de coopération interassociative pour voir qu'est-ce qu'on peut faire évoluer et qu'est-ce qu'on peut mettre en commun, comment on peut construire un objet commun pour inverser un petit peu le modèle, réinventer un modèle de solidarité alimentaire. Et voilà, très, très rapidement, en fait, on s'est appuyé sur les initiatives déjà existantes, que ce soit portées par des associations de quartier, des associations de solidarité, une coopérative alimentaire, voilà, une grande diversité d'acteurs qui travaillaient sur ces sujets. Mais on sentait que il manquait un passage, un changement d'échelle pour qu'on arrive à créer quelque chose qui soit un peu porteur pour le territoire, au-delà des efforts des uns et des autres. Donc, travail de mise en coopération et très rapidement, la question de comment on met au travail la démocratie alimentaire, comment on sollicite les citoyens dans cet effort de réappropriation, dans cette volonté de réappropriation de l'alimentation. Et du coup, très rapidement, on s'est dit il y a besoin de créer un objet de pouvoir pour pouvoir commencer à ressentir, à retenter une reprise de pouvoir sur l'alimentation. Et cette idée de caisse, elle est vraiment née là, en créant un dispositif, un budget, faisant un pas de côté sur la gestion de ces budgets, que ce ne soit pas géré par des collectivités, que ce ne soit pas géré par des associations, mais faisant un pari de démocratie alimentaire, créant un comité citoyen de l'alimentation à qui on a donné en gestion ce budget. Donc globalement, pour vous dire aujourd'hui, on a depuis le début, on a constitué un budget qui est aujourd'hui de 200 000 euros avec des financements publics et privés par un système assez classique de subventions, de fondations et de collectivités auquel on ajoute aujourd'hui un système de cotisation volontaire qui est le résultat du travail du comité citoyen. Je sais pas, je m'arrête peut-être là pour qu'on rentre un peu plus sur la dimension démocratique avec le comité citoyen. Ouais, c'est ça. Si Elsa, toi, tu es membre du comité citoyen dont parlait Marco, si tu peux nous expliquer un peu ça, puis comment t'en es arrivé là aussi. Oui, alors j'ai écrit vite fait juste une introduction à mes propos, surtout en réponse à ce qu'on a entendu ce matin. J'espère que ce sera clair, c'est concis, hein. Après j'improvise. Mais en fait, quand on est inscrit dans la précarité, les droits qui nous semblent à tous fondamentaux sont remis en question. Se loger, éduquer ses enfants, se cultiver, se soigner et même manger, tout ça devient très compliqué. Je sais de quoi je parle, puisque depuis quelques années, je travaille à la croisée du secteur du social et de celui de la santé, et que j'ai connu pendant quasiment 2 ans une période bien difficile financièrement. Et donc j'ai rencontré moi-même la précarité. Je peux témoigner du coup de ce que la caisse, de ce que le travail autour de la caisse sociale et commune de l'alimentation m'a permis de ne pas changer dans mes habitudes alimentaires. J'élève 2 enfants, donc pour moi c'était important que le budget alimentaire ne soit pas une variable d'ajustement, comme c'est souvent répété. J'étais attachée à ça, sauf que c'était franchement un gros casse-tête. Il y a quelques idées conçues quand on n'a jamais connu la précarité. Notamment, on pense que les gens précaires ne savent pas réfléchir à ces questions-là. C'est faux. Si vous demandez à des gens qui sont inscrits dans la précarité s'ils ont envie d'empoisonner leurs enfants quand ils les font manger le matin, le midi et le soir, tous sans exception, ils vont vous répondre que non. Ils n'ont pas envie de mettre des pesticides dans leurs assiettes et dans celles de leurs enfants. Du coup, il me semble qu'à l'heure où la sécurité sociale poursuit toujours plus vite son effondrement, il est plus que nécessaire qu'on impose notre droit à mieux manger et donc forcément à tomber un peu moins malade. Ensuite, s'engager dans la construction d'une pensée collective autour d'un monde un peu moins injuste et être invité directement à participer à la création d'un système un peu différent, hors du système d'aide alimentaire tel qu'on la connaît, enrayer ou au moins ralentir la machine qui est en marche, c'est redonner du sens à nos existences. Voilà, ça c'est juste pour la petite introduction. Du coup, j'imagine que ça répond un peu à ta question de pourquoi j'ai atterri là-dedans. C'est le hasard, et franchement, je remercie le hasard sur ce coup-là, puisque c'était un moment où vraiment j'avais la tête dans le seau, et symboliquement, ça m'a permis de garder la tête hors de l'eau, de participer à toutes ces réflexions qui sont éminemment riches grâce à tous les copains qui permettent l'animation de cette pensée collective qui se construit au fil du temps. Du coup, dans le comité, on est 47. Si je me trompe, tu me reprends, mais on est la moitié. Bon, moi, ma situation va mieux, donc je vais pouvoir cotiser plus maintenant, c'est bien. Mais jusqu'à présent, on était la moitié de personnes à avoir besoin de piocher un peu dans cette caisse. Alors, on cotise tous, hein, c'est important de le souligner. Mais... Et l'autre moitié a plutôt cotisé plus que ce qu'ils ne perçoivent en MONA. C'est le nom de notre monnaie alimentaire. Voilà. La caisse a démarré au mois de février dernier. Donc nous, nos réflexions ont démarré en septembre. Donc ça va faire un an. Ça fait un an, ça y est. Et la caisse est arrivée en février. Du coup, je ne sais pas si je rentre dans les questions concrètes. Plus tard, ouais. Je vais passer la parole aux copains. Ouais, un petit peu même question sur l'historique et pourquoi ce projet à Saint-Étienne, du coup. Philippe et Josiane, allez-y. Bonjour à tous. Thomas a parlé de Terrain d'Entente et de cette démarche de pédagogie sociale. Donc Terrain d'Entente est présent sur le quartier Beaubrun-Tarentaise, qui est de l'autre côté du boulevard. Donc on est tout près. Il y a des familles qui vont nous rejoindre tout au long de ce week-end. La démarche de la pédagogie sociale, c'est vraiment la volonté d'agir avec et de rejoindre ceux qui sont absolument pas visibles dans notre société, ce que tu as décrit, Elsa, et qui subissent toutes les violences, qui les subissent, hein, avec cette histoire de précarité, de se sentir pas une place dans la société, et cette volonté de le mettre en évidence comme un déni de droit et de citoyenneté, et d'en faire notre affaire, et d'arrêter de subir, et d'agir tous ensemble en créant des actions qui répondent à des aspirations, à des besoins, et qui tentent de régler des problèmes concrets. Donc on est là depuis 12 ans, et dans le cadre du droit aux vacances pour tous, depuis plusieurs années, on organise des séjours à la ferme, et ça nous a permis un échange assez déterminant sur de réaliser ensemble des conditions de vie très semblables, avec des paysans qui produisent et respectent le vivant, et qui ne peuvent pas vivre de leur boulot, et des familles qui ont des revenus suffisants et qui ne peuvent pas acheter ce qu'elles souhaitent acheter. Et de sentir aussi que, comme tu disais Elsa, on a des préoccupations et des aspirations communes autour de la santé, l'environnement et l'accès à tous, aux droits. Et on a senti que c'était possible, alors ça continue à cheminer, mais que c'était possible et souhaitable de construire une force ensemble, de construire des liens d'entraide pour faire peuple. Donc il y a eu ce premier temps. Et les familles, pour beaucoup, après la crise sanitaire, on l'a évoqué ce matin, ont beaucoup plongé dans le surendettement et dans des difficultés prégnantes au quotidien. Et aujourd'hui, sont à subir l'aide alimentaire, un système qui crée beaucoup de dépendance, qui crée beaucoup de tri et de sélection et qui est très excluant dans quelque chose d'assez indigne, malgré ce que... Et en même temps, en respectant tous les bénévoles, hein, qui essayent effectivement que les gens s'en sortent et de quoi manger tous les jours. Hein. La question n'est pas là. Hein. C'est le système alimentaire qui est à remettre en question. Et on sent que les deux articulations sont vite faites. Si on ne règle pas les problèmes de précarité, on ne pourra pas transformer le modèle agricole. Donc ces deux jambes doivent s'articuler ensemble. Donc on a essayé de tenter des solutions en participant à la dynamique de VRAC, qui propose des produits tous les mois, bio et locaux, à prix coûtant. Et on a senti que pour plein de familles, c'était un prix encore inaccessible. Donc c'est là qu'on a senti que arriver à unir un petit peu, et Philippe va pouvoir présenter tout ce collectif de solidarité alimentaire, c'était vraiment la perspective de continuer à agir avec tout ce monde-là, parce que leur expertise est indispensable, parce que ça nous permet vraiment de prendre acte que le système alimentaire actuel, intensif, productif, écrase et est complètement mortifère, mais pour une partie croissante de la population, les consommateurs, les producteurs, les distributeurs. Donc ça devient notre affaire sociale à tous. Et d'arriver à sentir que ce qu'on peut faire évoluer, c'est sortir de cette relation aidant-aidé où on tend une main secourable aux nécessiteux, mais plutôt de sentir que ces questions de santé, d'environnement, de production sont nos affaires sociales à tous et qu'on va être une force si on les attrape tous ensemble. Tous ensemble, une bonne transition. Car nous étions plus sur des dynamiques individuelles. De nombreuses associations de Saint-Étienne. Ferme au quartier se questionnait sur... Ferme au quartier, c'est une plateforme de paysans qui regroupe, qui livre à cette plateforme, et Ferme au quartier redistribue sur Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole. Il se posait des questions sur le sens qu'il pouvait donner avec un volet social qui était peu existant. La Fourmilière est une coopérative à Saint-Étienne qui elle-même essayait de réfléchir à son volet social, et aujourd'hui ils ont enclenché des choses. Et demain, ils vont continuer d'enclencher des choses en mettant la main à la poche et permettre à des familles qui viennent faire leur créneau, des familles en précarité qui viennent faire leur créneau, de pouvoir avoir accès aux produits de la coopérative. Les AMAP ont eu un financement au RA et ont permis deux choses, d'avoir des paniers pour des familles payés à 30%, et en même temps une augmentation chez les paysans de 30% de volume supplémentaire, il se trouve. Donc les Biocoop réfléchissent aussi à comment permettre l'accès à des produits de qualité, de fait, pour le plus grand public qui ne vient pas obligatoirement, voire qui a peur d'aller dans les Biocoop. Et puis l'association VRAC, qui est vers un réseau d'achat en commun, qui est dédié, par contre, à l'achat de produits bio et locaux. Et dans les quartiers prioritaires de Saint-Étienne. Et donc, toutes ces associations avaient des flux d'énergie qui partaient de bonnes pensées et qui avaient vraiment le désir d'avancer. Et il se trouve que le collectif Solidarité Alimentaire a été mis en place par la Fabrique de la Transition, dont Thomas, qui anime, est salarié, entre autres. Et nous nous sommes rassemblés pour réfléchir ensemble ce qu'on pouvait faire. Et de là est née l'idée de rassembler nos forces. Et tous ces flux d'énergie individuels vont permettre peut-être de coaguler afin d'avoir une force et une ligne puissante avec cette caisse sociale de l'alimentation. Nous nous sommes regroupés ensuite avec le collectif qui réfléchissait à la sécurité sociale de l'alimentation sur Saint-Étienne, car il n'avait pas de choses très concrètes à mettre en place. Et de fait, notre caisse est en pré-projet, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une phase d'action comme Montpellier, nous ne sommes pas dans une phase de juste avant l'action, nous sommes dans la réflexion de comment on va pouvoir tourner. Et nous avons, on vous l'expliquera tout à l'heure, des modes de démocratie et d'économie déjà prédéfinis. Effectivement, là, on a commencé un peu à effleurer. Là, l'idée, c'est de rentrer un peu dans le fond et de voir comment fonctionnent, d'une façon un peu plus concrète et descriptive, les deux projets de caisse. Donc, peut-être d'abord Montpellier, Marco et Elsa, si vous pouvez nous raconter un peu ça, nous expliquer tout ça. Alors oui, projet de caisse à Montpellier. Alors, effectivement, la caisse alimentaire commune à Montpellier a démarré fin janvier. En février, je vous disais tout à l'heure, il y a un gros travail de modélisation de cette expérimentation, le montage de la caisse. La caisse étant un budget, il fallait trouver les financements déjà pour pouvoir lancer tout ça. Les financements, on les a cherchés, comme je disais, financement public et privé, avec une idée en tête qui était de dire on donne cet argent en gestion à un comité citoyen. Donc le travail a commencé en avril 2021. En septembre 2022, on avait terminé tout un travail assez conséquent de mobilisation dans les quartiers pour créer ce comité citoyen de l'alimentation qui a commencé à travailler à partir du 1er septembre, donc septembre 2022 jusqu'à fin janvier 2023. Il y a eu tout ce travail de modélisation de la caisse, donc de prise de décision par le comité citoyen qui a été animé par un collectif de coopération qui réunit une vingtaine de structures. Démarrage de la caisse en février. Comment fonctionne cette cotisation ? Le travail qui a été réalisé par le comité citoyen, c'était de déterminer qui devait cotiser combien et en fonction de quels critères. Donc on parle d'une cotisation qui n'est pas vraiment une cotisation, on est plutôt sur une forme de contribution. On appelle cotisation pour vraiment lui donner ses sens dans le sens sécurité sociale de l'alimentation. Mais c'est une contribution volontaire qui est autodéterminée. Et donc les participants qui viennent expérimenter dans la caisse, qui ont candidaté, sont appelés à définir eux-mêmes ceux qui sont en mesure de payer pour recevoir un montant de 100 euros par mois. Donc l'idée de chacun cotise selon ses moyens et reçoit 100 euros, c'est la forme qu'on a donnée à ces principes de la cotisation. Donc un montant de 100 euros par mois, la définition d'un montant de cotisation, de contribution mensuelle qui est autodéterminé. Et donc là, on pourra rentrer dans les détails de comment chacun et chacune se positionne sur une échelle de 1 à 100, voire 110, 120, 150. On est arrivé à des taux de cotisation de 250 euros par mois pour recevoir 100 euros, et donc ça de façon très libre. Et ensuite, tout le travail de conventionnement qui a été fait en définissant là où cette monnaie parce que tous ces systèmes s'appuient sur une monnaie alimentaire qui est rattachée, qui a été co-construite avec une monnaie locale de l'Hérault, de Montpellier. Et donc, on a une monnaie qui est numérique, qui nous permet d'avoir un crédit de 100 monas par mois qu'on peut dépenser dans un circuit qui est conventionné. Et donc, tout le travail du comité citoyen, c'était de dire quelle est l'alimentation qu'on a envie de soutenir, dans laquelle on a envie de... En fait, qu'est-ce qu'on a envie de manger et où est-ce qu'on la trouve? Parce que, on sait que sur les territoires, il y a des endroits où on peut trouver de la nourriture de qualité. Donc, il y a des circuits qui sont déjà en place. Parfois sont minoritaires, parfois sont ce qu'on appelle des systèmes alternatifs, qui sont déjà en place. Et donc, comment on va à la rencontre de ces lieux? Qu'est-ce qu'on définit comme qualité de l'alimentation? Et puis, du coup, comment on va passer un contrat, quelque part, de dire, nous, on a envie de vous soutenir, on a envie de dépenser chez vous, parce que c'est ça qu'il nous faut. Voilà, tout ça, c'était le travail de conventionnement, on peut rentrer dans les détails. Et surtout, en fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant dans le processus, c'est à la fois le fait qu'on puisse le réaliser, qu'on connaît cette monnaie, qu'on l'ait mis en circulation, mais c'est vraiment le processus qui est très intéressant, le processus de prise de décision, la question de la gouvernance d'un projet qui est multipartenarial, c'est un projet de territoire qui nécessite une interaction entre les citoyens, la société civile organisée, les associations, les coopératives, le tissu même économique, les pouvoirs publics. Et donc, je dirais que c'est vraiment ça le cœur de ce qu'on appelle un processus démocratique. Donc, ce maintien de la prise de décision la plus large possible et de trouver les espaces dans lesquels la prise de décision peut se faire de façon apaisée. Donc, aujourd'hui, on est sur la caisse alimentaire commune à Montpellier. Il y a 320 personnes qui expérimentent. Il y a d'abord les 47 membres du comité citoyen. Et ensuite, il y a eu des appels à participation à travers les réseaux partenaires. Et puis, on a fait un tirage au sort, qui est c'est un choix très difficile. Mais ayant un budget assez important, mais réduit, c'était difficile de modéliser une expérimentation qui puisse faire rentrer tout le monde, quoi. Nous ne sachant pas les montants de cotisation que les gens allaient s'autodéterminer, s'autodonner. Et donc, on avait décidé d'expérimenter pour l'année 2023 avec environ 400 personnes. Donc, les choix qui ont été faits en prenant la décision avec les comités citoyens, les élus, le conseil scientifique et tout ça, voilà, différentes instances de gouvernance, a été de modéliser un schéma assez représentatif de la population de Montpellier. Faire un tirage au sort pour avoir, sur ces 400 personnes, le maximum de diversité socio-économique qui soit représentative de la ville de Montpellier. Et donc, effectivement, on a proposé trois classes d'âge, quatre niveaux de revenus, et on a réparti des places. C'est un peu brut à dire, mais voilà, je vous parle vraiment de la mécanique. Répartie des places, et à travers les tirages au sort, on a pu ouvrir tant de places, et donc intégrer dans l'expérimentation, aujourd'hui, à environ 320 personnes. Alors, le choix de pourquoi faire ce choix de tirage au sort, et pourquoi être dans cette représentativité, c'est qu'effectivement, ce qu'on a envie d'observer, c'est un principe de cotisation, un principe de contribution volontaire des citoyens dans un mécanisme de socialisation, dans un mécanisme d'une caisse alimentaire, en fait, comment les citoyens réagissent. Et c'est un des objets du suivi évaluation, de l'observation qu'on pose sur cet objet de caisse et qui, on l'espère, pourra donner des résultats qui seront ensuite retravaillés et qui pourront donner des éléments, notamment de plaidoyer, si les résultats sont bons pour ce projet de sécurité sociale de l'alimentation. Donc voilà, une monnaie numérique, un circuit conventionné, 300 participants. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ce pari qui a été fait de créer un budget de 200 000 euros, on voit des cotisations moyennes qui sont bien plus importantes de ce qu'on attendait. ce qui nous amène à dire, à formuler une hypothèse, qui a une intention quand même de participer à un dispositif de solidarité qui soit ancré sur un territoire, qui s'appuie sur les forces vives qui sont déjà dans ces systèmes de changement et dans cette transition, et qui soit attentif en fait aux équilibres économiques et à cette dimension démocratique dans les systèmes alimentaires. Donc aujourd'hui, on observe une cotisation qui est environ de 60 euros. Ça veut dire que les 300 expérimentateurs mettent en moyenne 60 euros pour récupérer 100 euros. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ça nous fait dire que 2 euros mis par des collectivités sur une caisse alimentaire, il y en a une qui vient, il y a un euro qui vient en contribution citoyenne des expérimentateurs. Merci peut-être Elsa aussi sur la place du comité citoyen aussi. Je crois que c'est le comité citoyen qui a travaillé sur les critères de conventionnement. Et oui. Le lien avec là où on peut dépenser cette monnaie. Ouais. Juste avant, oui, je voudrais revenir sur la question des cotisations que Marco a un petit peu décrit dans le travail de Bénédicte là, qu'elle a un petit peu abordé ce matin et que tu aborderas plus demain, je crois. Il y en a quand même deux principales qui, à mon avis, disparaissent grâce à cette histoire de sécurité alimentaire. D'abord, le fait que pour l'instant, c'est de l'auto-évaluation. Le fait qu'on s'auto-évalue grâce aux trois grilles qu'on a élaborées ensemble, il n'y a pas de contrôle derrière. Et ça, je peux vous assurer que ça change tout de réfléchir en fonction des trois grilles à combien je peux ou combien j'ai envie, parce que je crois qu'on est nombreux à cotiser plus que ce que les grilles nous disent, parce que ce projet, on y croit et qu'on a envie qu'il marche et qu'on a envie qu'il soit étendu à un territoire plus large. Ça, c'est la première violence qui disparaît un petit peu. Et la deuxième, c'est pas de stigmatisation. C'est-à-dire que tous les commerçants qui ont accepté de rentrer dans l'aventure de cette caisse ne savent pas, moi, le boucher du marché de mon quartier, ne sait pas que j'ai été en galère et que le prix de sa saucisse a diminué de moitié grâce à la caisse. Et ça, c'est pareil, c'est idiot. Mon boucher, il est charmant et je pense qu'il m'aurait pas jeté la pierre, mais ça change tout de pas avoir cette étiquette collée sur le front. Et ça nous permet derrière de gagner un peu en sérénité et de participer avec beaucoup plus de légitimité à toutes les questions que nous posent les gens qui animent ces réunions-là. Du coup, comment ça s'organise ? C'est quand même un gros engagement. Et un des signaux qui nous fait dire que peut-être ça va marcher, c'est que les gens reviennent. C'est-à-dire qu'on est 47 dans le comité, il y a rarement d'absents. Et c'était quand même un samedi sur deux pendant 5 mois. Donc c'est pas rien. Il y a toujours une babysitter pour garder nos gamins. Enfin, tout est organisé pour que ce soit le moins inconfortable possible. C'est malgré tout un gros engagement. Et si les gens reviennent, c'est bien que pour nous, ça a du sens et que le maillage, il se construit de manière très, très cohérente et qu'on a la sensation d'avancer doucement, mais concrètement, quoi. Du coup, on arrive le samedi matin. Ils ont déjà tout préparé pour nous et ça aussi c'est précieux parce que j'imagine que vous avez tous lutté dans tout un tas de secteurs. Souvent on perd beaucoup de temps à organiser l'organisation. Là quand on arrive au comité citoyen, ils ont réfléchi pour nous déjà aux histoires d'organisation. Ils arrivent avec des questions. On n'a pas toujours le temps de répondre à toutes les questions, mais à chaque fois, on se dit, OK, soit on fait une réunion intermédiaire entre deux comités et on accepte que ça se travaille en plus petits groupes. C'est toujours réinjecté en gros groupes et c'est toujours réfléchi ensuite. Mais on accepte vraiment de prendre le temps sur chacune des questions concrètes qui nous est posée. Mais c'est beaucoup grâce à eux, pour de vrai, parce que ces questions d'organisation, souvent, elles nous essoufflent, en fait. Voilà, qu'est-ce que je peux dire sur les choses concrètes du comité ? Le conventionnement, c'est pareil, c'était une des grosses questions des grosses questions, parce que ça pose plein de questions, qui nous ont été posées. Ça nous a pris beaucoup de temps. On a rencontré des producteurs, on a rencontré des maraîchers, des éleveurs, qui nous ont aidés à poser comment on définit le juste prix des produits, parce que ça, c'est pas évident non plus. Pareil, moins on a dans le porte-monnaie, plus on regarde le prix des choses, et plus on se dit, mais c'est pas possible que ce soit si cher, que ça me soit si peu accessible. En fait, quand les producteurs nous expliquent pourquoi ça coûte si cher, et comment déjà, eux, ils tirent les prix pour que ce soit le plus accessible possible, parce que la plupart ont vraiment envie de nous nourrir et du coup c'est pas une histoire de mauvaise volonté de leur part. Du coup on va à la rencontre de tous ces éleveurs, de tous ces maraîchers, On essaie de les rencontrer, on voit comment ils travaillent, on voit dans quelles conditions leurs salariés sont employés, et on essaye on a élaboré tous ensemble une espèce de grille d'évaluation de chaque lieu, soit lieu de vente, puisqu'il y a aussi des biocoop, il y a des épiceries solidaires déjà en place et tout ça, qui font partie des lieux de vente. On essaye de remplir toutes les cases, de voir à quels endroits il y a des améliorations possibles, et si les lieux de vente ou les producteurs nous disent bah, « moi je suis ok pour réfléchir avec vous à l'amélioration de tout ça, mais ça va me prendre du temps », et ben on signe et on réévalue en fait. Ce qui est aussi hyper appréciable, c'est le côté expérimentation en fait. On sait que chaque décision qu'on prend, si on se rend compte qu'on s'est trompé, parce que c'est très possible qu'on se trompe des fois, on n'est pas... et ben on revient dessus, et ça c'est aussi très confortable de savoir qu'on a un peu du temps, même si ça va vite, et de savoir qu'on peut se tromper. Il y a des allers-retours avec le comité scientifique qui nous accompagne. Il y a régulièrement des gens, des experts, comme ils disent dans les médias, qui viennent nous apporter des apports théoriques. On a rencontré des médecins qui réfléchissent au lien entre la santé et l'alimentation. On a rencontré des gens qui sont venus nous apporter des éclairages, en fait, encore une fois, pour nous aider à penser. Et sans qu'on pense à notre place. Et encore une fois, ça, c'est vraiment ce qu'on apprécie. C'est qu'on a la sensation d'être considéré dans la manière dont on chemine, à notre rythme. Merci. Bah, du coup, présentation à Saint-Etienne. Hein, le projet n'est pas encore lancé. Mais c'est toutes ces questions qu'on s'est posées. Donc la proposition, là, c'est de vous présenter un peu où on en était, quels sont les grands principes déjà actés, quelles sont les grandes questions qu'on se pose, et comment on est organisé aussi pour aller répondre à ces questions-là, et peut-être faire un appel du pied s'il y en a qui veulent rejoindre le projet aussi. Oui, ça serait vraiment une bonne nouvelle. On est heureux chaque fois qu'on accueille des personnes qui nous rejoignent. Donc Philippe me disait, c'était moi la démocratie. Donc je vais parler de la démocratie. il y a eu deux étapes. La première, c'était qu'à un moment donné, on s'est mis à mettre en route du maraîchage, ça je vous en dirai un petit mot en conclusion, avec des gens volontaires qui venaient pour apprendre le maraîchage. Donc c'était des moments toujours très joyeux parce qu'on fait des belles découvertes et que le retour à la terre, il est puissant. Il nous met en route et il nous donne de la force. Et c'est des chantiers partagés avec des personnes qui ont des revenus insuffisants pour vivre, et puis des personnes qui sont plutôt militantes. C'est vraiment la volonté de créer une culture commune et de faire tous ensemble les choses. Donc il y a eu aussi le développement d'une cantine solidaire sur le quartier de Beaubrun-Tarentaise, et puis des personnes qui viennent bénévolement pour, dans le cadre des distributions de vrac. Donc c'est du travail gratuit, et c'est pour un certain nombre d'entre nous, des gens qui ont des revenus insuffisants, qui utilisent les colis alimentaires pour manger un petit peu tous les jours. Donc c'était une grosse question dès le départ de se dire comment on arrive à rétribuer tout ça en ayant très peu de moyens. Dès le démarrage, il y a la Biocoop de Saint-Étienne qui a rapidement été d'accord pour essayer d'abonder la caisse. Donc on partait avec une somme quand même. Et on a décidé ensemble, ce que tu expliquais Elsa, hein, alors c'est vrai qu'on est plus dans du bricolage, on n'est pas dans ce mode d'organisation, quoique la Fabrique de la Transition apporte vraiment toute cette logistique sur laisser des traces de ce qu'on se dit, proposer des ordres du jour, animer les réunions. Donc ça c'est infiniment précieux et très confortable, je suis bien d'accord. Et là, dans ces moments où on se retrouve régulièrement, on essaye de voir un petit peu comment faire avancer les choses. Et c'est vrai que, très logiquement, pour tous ceux qui sont présents et qui s'inscrivent dans la durée, d'avoir des bons d'achat pour vrac, c'était vraiment la bonne nouvelle, parce que c'est des chouettes produits. Et donc, on a pu mettre en route quelque chose en estimant, sur un temps de travail d'une matinée, 20 euros pour chacun, pour ceux qui le souhaitaient. Là aussi, la plus grande discrétion de tous, il y en a qui les prennent, il y en a qui ne les prennent pas. Et voilà, donc on a senti que ça avait un effet fort de reconnaître le travail, et puis aussi de ne pas être que dans les discussions sur c'est génial, l'idée de la caisse, la démocratie, ça nous fait rêver. Mais pour plein de gens qui sont avec nous, comme on mange tous les jours, hein, c'est vraiment du très très concret. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça nous rattrape tout le temps. Hein, c'est comment... Tout de suite, maintenant, on essaye d'améliorer la situation et de transformer un petit peu les choses pour ceux qui sont vraiment concernés par cette grande précarité. Donc voilà, on a pu continuer à cheminer. On sentait aussi que c'était intéressant d'imaginer aussi des cotisations avec de la monnaie sonnante et trébuchante. Et puis de se dire que ce qu'on mettait en route comme maraîchage, parce que maintenant on cultive pour de vrai, hein, on n'est pas juste des petits jardiniers, et puis les produits de la cantine solidaire pourraient aussi abonder la caisse. Donc on peut effectivement sérieusement se dire que d'ici pas trop longtemps, on aura quand même des sous à se partager tous ensemble. Et c'est vrai que ce processus a été vraiment l'occasion ensemble d'apprendre à se parler, de prendre le rythme de chacun, de ne pas être sur coincé par des horaires parce que chacun vient comme il peut et quand il peut. Et cette expérience d'auto-organisation, c'est vraiment un puissant levier sur... On a beaucoup parlé ce matin de la démocratie, mais sans forcément la décrire. Comment concrètement c'est possible de la vivre et de l'organiser ? Eh ben, c'est effectivement de se retrouver à la même table et de parler des questions qui nous concernent tous. Donc ça, on a senti que c'était un peu cranté et que quand on arrête une décision, ben, effectivement, c'est la décision de nous tous. Donc ça, c'est plutôt réjouissant. Et puis, il y a eu cette deuxième étape. Philippe avait fait l'allusion. Là, on a eu une magnifique formation avec les ateliers paysans qui avaient rassemblé donc, le collectif de solidarité alimentaire et ses membres militants de la SSA. Et là, on a senti que c'était vraiment possible, à ce moment-là, de mettre en route quelque chose avec tout le monde. Donc là, on a quelque chose d'un petit peu plus construit avec un COPIL, un comité de pilotage, pour monter la caisse de l'alimentation. Donc, il est composé de volontaires, si possible avec un ou deux membres de chaque association, parce que ça fait un réseau quand même assez conséquent, et c'est bien d'avoir la température de tout le monde. Et ce comité, il permet effectivement la communication entre tous ses membres, la communication en externe. On organise et on prépare des assemblées, en étant un peu force de proposition, en essayant d'avancer sur des questions. On a parlé aussi de la possibilité de mettre en place des collèges et ça nous paraissait précieux. Alors aujourd'hui, c'est pas actuel, mais l'idée que des groupes se rassemblent par affinité ou par même condition. Hein. Il y a les distributeurs, c'est pas la même réalité, les producteurs, les consommateurs, des militants, des familles qui traversent des situations très difficiles. Parfois, ça peut être vraiment important de se parler entre pairs, en fait, hein, pour avoir vraiment le plus possible ses paroles et ses points de vue. Voilà pour le comité de pilotage. Et puis aussi l'idée de lancer des groupes de travail. Donc il va y avoir un groupe qui va être lancé très rapidement sur la question du modèle démocratique, avec quel mode de gouvernance on arrive à porter tous ensemble, et puis un modèle économique. Donc ce COPIL se retrouve en assemblée, et là du coup l'assemblée elle est là pour valider, amender, modifier les propositions du COPIL, débattre sur les idées, être à l'écoute et accueillir les personnes qui viennent nous rejoindre. Et puis aussi, il me semble que tu l'as un petit peu abordé, Elsa, on sent qu'on a vraiment besoin de construire des temps de co-formation hein, pour mieux appréhender les choses d'une manière plus éclairée, parce qu'il y a plein de choses qu'on a à apprendre sur toutes ces questions. Et juste une précision sur qu'est-ce que l'Assemblée aussi. L'Assemblée, ça réunit toutes les personnes des projets dont parlait Josiane. Donc les gens qui viennent au maraîchage, les gens qui sont dans le collectif Solidarité Alimentaire, les gens qui participent aux actions de cantine ou aux actions de l'association VRAC, etc. Donc c'est bien eux qui ont été invités d'abord en Assemblée et c'est eux qui composent l'Assemblée, enfin c'est nous qui composons l'Assemblée et c'est bien ici que le COPIL a été désigné. C'est bien dans ce sens-là que ça s'est fait. Hein. C'est en assemblée où on a présenté notre candidature pour être dans ce COPIL-là. Et dernière petite précision, le COPIL ou l'organisation actuelle telle qu'elle est faite a pour fonction... Enfin, cette organisation, c'est pas l'organisation quand la caisse vivra, c'est bien l'organisation pour monter la caisse. On dissocie bien les deux. C'est demain où il y aura des collèges, c'est demain où il faudra peut-être inviter des gens dans des espaces spécifiques, etc. Quoi. Et Philippe, je te laisse enchaîner. Merci. Il y a une notion qu'on n'a pas abordée, c'est que ce soit dans nos chantiers maraîchage ou que ce soit à la cantine solidaire, on donne du temps. Le temps, chronos en tout cas, est le seul point commun qu'on a tous entre nous. On a 24 heures tous, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, homme, femme ou autre. Et donc, c'est notre étalon. Nous sommes des cotisants. Nous ne sommes pas des bénévoles. Nous ne sommes pas dans l'accompagnement. Nous sommes tous ensemble et on est dans l'entraide et nous cultivons effectivement des légumes, on essaye de cultiver la fraternité parce que c'est la moindre des choses et dans les cantines solidaires c'est la même chose, les dames qui vont à partir de cette année on l'espère faire une cantine de 30 à 40 repas une fois par semaine à prix libre et conscient, les légumes étant fournis par Copsol, les dames viennent, éventuellement les messieurs, donner du temps. C'est de la cotisation libre. Hein, ce n'est pas du bénévolat où on donne d'en haut quelque part ou qu'on accompagne. C'est dans une dimension plus humaniste, je dirais, d'égalité, puisque nous sommes là pour ça. Donc, dans ce sens-là, la cantine solidaire a décidé que tous leurs bénéfices allaient aller à la caisse sociale de l'alimentation. Et si on fait 30 à 40 repas à prix libre, avec un peu de chance, ce sont des cantines à grande majorité de produits bio et végétariennes, ce qui nous permet d'avoir un peu plus d'argent quand on n'achète pas de viande. Stratégie. Et d'un autre côté, on a une somme d'argent qui risque de tomber assez régulièrement et qui peut être importante. Pour ce qui est des légumes, on a 3000 m² de terrain qui nous sont prêtés par des paysans. C'est comme ça qu'on fait le lien, nous, avec les paysans, puisqu'on les met à contribution, mais on travaille avec eux, puisqu'on leur fait leurs patates et ils nous passent le terrain et on leur redonne les patates à la fin. Avec d'autres, on leur donne 10% la dîme des cultures et on a des arrangements un petit peu avec chacun comme ceci. Et donc, ça nous permet d'avoir des personnes qui viennent. Alors, cet été, on n'était pas très nombreux. On n'était jamais en dessous de 6, mais on n'a jamais été 15. Alors qu'au printemps, on était plus nombreux parce qu'on faisait les chantiers les samedis. Et les samedis, les gens ne travaillent pas. Donc, effectivement, on a eu bien plus de monde les samedis. On a été souvent 15 à être présents. Donc, tous ces gens qui représentent à peu près 50 familles différentes et 1000 heures à peu près, on n'est pas tout à fait à 1000 heures de temps de cotisation, mais on n'en est pas loin. Et donc, tous ces gens-là sont les cotisants qui participent à l'Assemblée, qui prend les décisions. Quelle décision ? La dernière qui a été prise, c'est ce modèle économique que nous avons choisi, qui est un modèle qui ressemble fort à celle de Montpellier et de Clermont-Ferrand, puisqu'on y a aussi des essais à Clermont-Ferrand, qui est un système où les personnes ici cotisent 20, 30, 50 euros. Ça, c'est exactement le même système de cotisation qu'il y a à Clermont-Ferrand comme à Montpellier. Il y a des personnes morales, ça peut être des CCS, ça peut être des gens qui s'occupent du logement social, les bailleurs sociaux qui peuvent cotiser. Ça peut être, ça sera en tout cas, pardon, ça sera en tout cas la cantine solidaire, les bénéfices de la cantine solidaire. Et on ne l'a pas encore officialisé, mais il y a des chances que l'argent de nos légumes parte aussi à cette caisse. Pour autant, les légumes, il faut savoir qu'ils sont vendus aux épiceries sociales qui, nous, potentiellement, demain, nous orienterons des personnes. Et on vend au prix que Ferme au quartier rémunère ses paysans. Donc, ça fait des produits qui ne sont pas très chers, puisque c'est du prix coûtant paysan. Et l'épicerie sociale finance en gros 70%. Ce qui fait qu'ils vont avoir des patates bio en dessous de 30 centimes. Hein, voilà. Donc, ça va être intéressant pour eux. Et ils pourront venir donner des coups de main s'ils le désirent. Donc, ce modèle avec la cotisation mensuelle nous permet de rediviser la somme récoltée. Dans l'exemple, nous sommes à 630 euros. C'est vraiment qu'un exemple, c'est pour schématiser. Et chacune des 6 cotisants, puisqu'on en a mis 6 sur le schéma, va avoir 105 euros, qui est la moyenne arithmétique. Et le mois d'après, on recommence. Nous aurons aussi des dons, mais on ne sait pas comment ils vont être affectés. On a, lors de l'Assemblée, quand on a présenté, non pas ce schéma, mais un schéma qui y ressemblait, puisqu'il a été amendé, il y a eu 19 questions qui sont sorties. Et on risque fort d'avoir, à la prochaine Assemblée, à répondre à tout ou partie des 19 questions ensemble, le COPIL étant là pour amener les éclairages sur ces questionnements. Alors, je ne vais pas parler longtemps parce que je pense que vous avez plein de questions et envie de réagir. Je vais juste souligner le fait que ça fait beaucoup d'informations, je pense, d'un coup. Que c'est peut-être dur aussi à classer dans sa tête. Donc, vous rappelez qu'il y a le site du collectif Sécurité sociale de l'alimentation et après, sur d'autres sites, je pense que Territoire à vivre aussi, on trouve d'autres informations. À Saint-Étienne, vous avez un stand ici. Donc, voilà, il faut aller approfondir ces questions. Là, on fait des présentations depuis ce matin qui sont dans un cadre, qui font qu'on essaye d'être rapide et on n'est pas nécessairement exhaustif. Donc n'hésitez pas à aller poursuivre les réflexions, poser les questions, les choses qui sont floues, dans le sens où il n'y a pas, on va en prendre en plus des questions, mais il n'y a pas du tout de mauvaises questions. Et toutes les questions que vous posez, elles nous font avancer. Voilà, elles nous permettent aussi, des fois, on est très convaincus, on affirme des choses, puis on est très déroutés par des questions, donc ça veut dire que c'était pas si clair. Donc on en a besoin. Je voulais aussi resituer ces initiatives dans une histoire, pour vous dire que dans cette histoire, bah, vous y avez votre place et vous en faites partie, et vous pouvez l'écrire, en fait. Et le resituer en se disant que, en effet, ces initiatives, elles viennent répondre à des constats difficiles. Très difficile. On a parlé ce matin du problème et des problèmes liés à la question de l'aide alimentaire, tout ce que ça soulève, la difficulté d'en parler parce qu'en effet, on a à chaque fois l'impression de tirer sur l'ambulance. C'est pas ce qu'on fait. Au contraire, on veut la sauver, cette ambulance, qu'elle puisse juste faire ce qu'elle est censée faire et pas plus. Et de la même manière, il y a une sonnette d'alarme à tirer sur la question agricole. On en a peu parlé. Mais finalement, avant la crise sanitaire, il y a eu un engouement, et au tout début de la crise sanitaire, de plein de super initiatives agricoles. Des personnes se sont lancées avec des beaux projets. Et ces beaux projets, en fait, c'est ces projets dont on a besoin pour se nourrir avec la nourriture dont on parle depuis ce matin. Et ils sont mis à mal. Donc l'urgence de transformer ce système, c'est aussi, ben, en fait, on y croit à ces alternatives-là. Pourquoi ça ne marche pas ? Je pense que le capitalisme essaye, comme d'habitude, de récupérer toutes ces initiatives et les a un peu vidées de leur substance. En tout cas, il a créé des concurrences, des coquilles vides qui font que c'est très dur de continuer à résister avec nos outils de résistance. On parlera, je crois qu'il est question peut-être plus tard de parler des projets alimentaires territoriaux. Moi, je m'en méfie beaucoup parce que je vois aussi cette idée de pomper les bonnes idées, les bonnes alternatives sous couvert après de mieux répartir la monnaie. Mais en fait, du coup, la monnaie, elle repart toujours au même. Et ceux qui ont eu les bonnes idées et qui se sont éreintés au travail pendant des dizaines d'années, bah, ils n'en voient pas la couleur. Donc ça pose question. Ce n'est pas comme ça dans tous les PAT, mais ça peut arriver. Il faut donc se méfier de cet outil. Et un outil d'une politique alimentaire qui s'adresse à 437, je crois, territoires seulement, bah, ce n'est pas non plus un outil qui permet de rayonner et de faire en sorte d'avoir accès à une bonne alimentation. Donc toutes ces expérimentations, elles viennent aussi accompagner des moments où les alternatives, elles sont à bout de souffle. Et il faut créer ce nouveau souffle, il faut rentrer dans cette nouvelle histoire. C'est pour ça que ce matin, je trouvais important de poser et de se situer dans cet état d'esprit où nous sommes des résistants. Il y en a qui résistent en préservant la paysannerie et en se donnant les moyens d'eux. Voilà, je pense beaucoup au rôle des faucheurs volontaires, mais il n'y a pas que ça, hein, à Terre de Liens, etc. Tout ce qui permet aujourd'hui de se dire on résiste et on résiste fort. Et de l'autre côté, ben, tous les bénévoles de l'aide alimentaire qui s'éreintent pour essayer de permettre à des personnes de ne pas être complètement décrochées. Tout ça pour aussi vous faire toucher du doigt, parce qu'on est dans ce débat, on va le faire, on va pas le faire, pourquoi on va le faire ? Bon, je comprends, hein, et en plus, je le dis souvent, moi la première, j'étais pas très convaincue au début du projet de sécurité sociale de l'alimentation, j'ai eu besoin de me l'approprier, et j'ai eu besoin de souffrir. J'ai eu besoin de souffrir en reprenant les mots des personnes que j'avais rencontrées, pour me dire, en fait, c'est pas une question, c'est une obligation, vu là où je suis allée, vu ce que j'ai découvert. Il faut transformer le système, il faut cette révolution qui traverse le système alimentaire. On en a énormément besoin. Et pourquoi on en a énormément besoin ? Parce qu'on n'a pas résisté pour se mettre au service, et je le redis, du capitalisme. On n'a pas fait ça pour ça. Et aujourd'hui, cette reprise, en fait, le fonctionnement de ce que Foucault décrit comme le biopouvoir, la biopolitique, le fait d'utiliser nos corps contre nous-mêmes, c'est-à-dire utiliser le corps des bénévoles qui s'éreintent au travail, et je pèse mes mots, hein, et du paysan pareil, hein, le dos courbé, trier des fruits et légumes, ramasser, etc., pour faire autre chose que ce que ces personnes veulent faire, bah, c'est honteux, c'est scandaleux, on ne peut pas en fait accepter ça. Et donc on doit utiliser nos forces, et moi, s'il y a bien une conviction que j'ai vu comment ça réagit en fait face à ce projet, c'est qu'on est dans le juste. On est dans le juste, ça inquiète, ça titille, et l'important, c'est qu'on ne soit pas divisé. ne surtout pas diviser ou comparer les expérimentations. Il n'y a pas de hiérarchie dans les expérimentations. Il y a autant d'expérimentations possibles que de territoires et d'authenticité de ces territoires. En fait, ces expérimentations, elles vont, et vous l'avez vu, elles vont prendre la couleur et s'ancrer dans des histoires de résistance. Il ne faut surtout pas les isoler de tout ça. Il faut justement en faire quelque chose qui va nous réunir pour mieux écrire et mieux s'approprier notre histoire à nous, en être convaincu et du coup se convaincre, et je vous laisserai la parole là-dessus, qu'on l'a le rapport de force. C'est pas une question, on l'a. On l'a, parce que quand l'État dégaine 10 millions en plus, 5 millions en plus pour l'aide alimentaire, c'est bien qu'il sait que si cette aide alimentaire n'a pas lieu, en effet, il y aura des explosions de violence et que ça pourrait potentiellement énormément déranger le fait qu'aujourd'hui, il y a un état de pacification qui permet aux bourgeois de dormir tranquille. Merci beaucoup. Et ben justement, un peu sur la transition, elle est parfaite puisqu'on avait une dernière question un peu libre pour les intervenants. En fait, vous voyez, quand on parle de ces projets de caisse sociale, on voit bien le mécanisme, comment il fonctionne. Des gens mettent en commun, c'est socialisé, c'est partagé, c'est redistribué. Ça va dans des commerces ou des distributeurs, etc., qui sont conventionnés, qu'on a choisi. Il y a une expérience démocratique là-dessus. En revanche, assez vite, et ça a été le cas quand on préparait cette table ronde, on voit qu'il y a un potentiel de changement, de transformation du système qui est encore un peu plus fort que juste ce mécanisme de redistribution. Donc vu qu'on en avait parlé en préparant, j'avais promis de vous poser cette question, donc allez-y librement. Ouais, ta question, elle est un petit peu en lien, à mon avis, avec la question de la division que vient de poser Bénédicte. Et c'est pas seulement entre les caisses qui s'organisent aujourd'hui, à mon avis, c'est même à l'intérieur des caisses. J'insiste sur la question des représentations, mais ce travail, et c'est peut-être là qu'elle est la démocratie, nous amène à nous décaler de nos représentations. J'exagère un peu, mais j'ai appris qu'on pouvait avoir des sous et être généreux. Non, je plaisante, je le savais déjà, mais c'est pas rien, en fait. Et des gens qui ont les moyens et qui n'avaient jamais touché du doigt, de près ou de loin, la précarité, en fait, se rendent compte, encore une fois, qu'on est capable d'élaboration, on est capable de réfléchir, on est capable d'expliquer nos choix, nous, les gens qui sommes un peu plus proches de la précarité. Et ça, en fait, Josiane, elle parlait de favoriser l'échange entre les pairs, ça favorise aussi l'échange entre les impairs. Et moi, ça me paraît hyper important, et encore une fois, c'est peut-être ça la démocratie, en fait, de sortir de la déliaison qu'implique la lutte des classes qui est encore bien actuelle. Vous l'appelez lutte des classes ou vous l'appelez fossé qui continue de se creuser entre les gens qui ont du fric et ceux qui n'en ont pas. En fait, ce projet-là, encore une fois, grâce à tous ceux qui nous aident à réfléchir ensemble, il permet ça, en fait, de ne pas se prendre pour des nigauds les uns des autres et de recréer de la liaison, en fait. Et ça, c'est important. Oui, c'est sur l'impact que ça peut avoir pour nous tous, ces expériences. Il y a une expérience qui m'avait marquée quand on a, l'an passé, tiré 800 kilos de patates du sol. Et j'ai senti à ce moment-là, les personnes avec lesquelles on bossait et pour lesquelles c'était le plus compliqué, il y a eu un effet de ressort, de se dire « Waouh, quoi, on arrive à sortir de terre 800 kilos de patates ». Et à ce moment-là, il y a eu vraiment un changement au niveau d'un sentiment de légitimité et de pouvoir parler des problèmes que ça posait à l'aide alimentaire, d'avoir envie de continuer, de s'inscrire dans autre chose, et c'est là qu'on a commencé à parler de la cantine, de sentir que quelque chose d'autre pouvait se transformer et devenir possible, et de mesurer aussi la force du collectif, parce que le collectif, il y a du bon et du mauvais, hein. C'est compliqué, hein, d'appartenir à un groupe, de se sentir sa place, et là de se dire, c'est vraiment un moyen, un levier, pour qu'à un moment donné, quelque chose d'autre se passe. Ce qu'on ressent aussi, c'est vraiment de bien sentir que quand on parle de démocratie, si on n'est pas dans des rapports d'égalité, c'est des mots. Et d'essayer de chercher sans arrêt des possibilités où, à un moment donné, on est vraiment dans un rapport d'égalité. Et ben, la terre le permet vraiment. Hein, tu disais d'avoir mal au dos. Et ben, effectivement, on a mal au dos ensemble, on est fiers ensemble, on découvre des trucs ensemble. Je me dis que c'est vrai que nos potes paysans... quand ils sont tout seuls, c'est juste intenable. C'est des vrais forçats. Et comment, à un moment donné, des chantiers pourraient se construire avec eux? Parce qu'on a tout à y gagner. Il y a vraiment la puissance du vivant, quoi. C'est impressionnant. On plante une petite graine et puis ça devient presque un arbre et ça porte des fruits. Enfin, je pense que ça nous porte, ça nous redonne de l'espoir sur le sens qui fait que pourquoi on est sur cette terre et qu'est-ce qu'on a à y faire. Donc voilà, sur ces rapports d'égalité, je me dis, c'est d'arriver à trouver des espaces qui les favorisent. Il y en a, et c'est assez possible, quoi. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, au tout début, dans le sens où l'insatisfaction alimentaire, elle est liée à un sentiment qu'on a, en fait. Et on a le matraquage pour des produits de consommation qui servent à pas grand-chose, mais pas à nous nourrir. Et par contre, on sait ce qui nous nourrit, nous, profondément, parce qu'on a la chance d'avoir cette possibilité-là. Et c'est important, parce qu'il y a 80% des personnes qui disent vouloir consommer responsable. Vouloir, pouvoir, c'est autre chose, vous le savez bien. Même nous, des moments, on freine, parce qu'on ne peut pas toujours. C'est pour ça qu'en préfigurant des systèmes comme nous sommes en train de le faire en France, puisqu'il y a de nombreux projets en France, une dizaine au moins qui se concrétisent pour le moment, et nous sommes tous en lien, nous préfigurons un autre système de sécurité sociale qui passe par la politisation de l'insatisfaction alimentaire. Et cette insatisfaction, il faut la prendre en compte. Les aides des plus riches, vous savez qu'Arnaud a donné, le gouvernement donne, c'est pour étouffer cette insatisfaction, pour avoir la paix sociale. Mais les révolutions alimentaires, les manifestations alimentaires n'auront pas lieu parce qu'effectivement, les Restos du Cœur et autres auront. Mais nous, on sent bien que ce capitalisme dont tu parlais, il est en train de se casser la figure. On est en fin de modèle parce que tous les modèles ont chuté depuis le début des temps. Et nous devons essayer de mettre en place, réfléchir à d'autres systèmes à proposer à travers la cotisation, les cotisations, puisqu'on parle de la santé, on connaît la santé, il faut essayer de ne pas se la faire bouffer. On est en train de réfléchir pour ce qui est de l'alimentation, mais on pourrait cotiser sur d'autres choses. Il y a bientôt la fête de la sécurité sociale à Saint-Étienne. Vous allez au centre de la fabrique, il y a des éléments là-dessus, qui permettra de réfléchir à tout ce qu'on peut mettre en place comme système de cotisation. Il y a de l'avenir, il faut y croire. Nous ne sommes pas que des Che Guevara de salon. Donc, juste pour terminer le tour de table, qu'est-ce que ça change en fait de monter une caisse sur un territoire rapidement, et du coup, on peut passer aux questions-réponses. Moi, je dirais que ce qui change, ce qui permet de changer, c'est la question des relations. Donc, déjà, la relation à soi-même, est-ce que j'ai droit de parler? Est-ce que j'ai le droit de décider? Est-ce que je peux m'approprier d'une décision et collectivement? Je trouve que ça a vraiment changé ça pour pas mal de monde, de se sentir légitime à parler d'une question qui est centrale, qui est l'alimentation, et qu'une question obligée, en fait. On est obligé de manger, donc autant qu'on prenne des décisions là-dessus. Donc, relation à soi-même, à son pouvoir de décision. Il y a aussi la question de la relation au territoire. Là, ce qu'on voit, c'est qu'à travers le projet de caisse, c'est un objet, c'est un terrain de jeu, c'est un terrain d'expérimentation, mais auquel on a... On peut connecter énormément d'enjeux et de projets annexes. Nous, ce qu'on voit, c'est... En fait, c'est bien de mettre en coopération des points de vente, mais en fait, il faut les accompagner aussi sur ce qui est la mutualisation des commandes, une coopération des acteurs à l'échelle des filières. Ben, il commence à avoir une réflexion des maraîchers qui sont tous en galère autour de Montpellier, même s'ils ont des tailles d'exploitation différentes, on n'arrive pas à comprendre comment les uns et les autres ils sont en galère. Et là, on commence à avoir une réflexion de mutualisation, de planification. Bon, voilà. Je trouve que ça permet de changer tout un tas de relations, y compris dans les fonctions de production. La relation avec les collectivités locales. En fait, le fait de commencer à dire on est 30 structures, une vingtaine de structures, on a envie de monter un projet commun, eh bien, ça change la relation avec les collectivités locales. On y va et on dit, mais nous, on a un projet. C'est différent. Et tout le monde va y retrouver sa place. Et le fonctionnement d'existence des uns et des autres, qu'on soit des groupements d'achat, un réseau VRAC, une coopérative alimentaire ou une entreprise plus commerciale ou une association de solidarité, on y va, on a un projet, on a envie de le porter et ça fait sens. Et ça, en fait, dans la relation avec ceux qui décident et qui souvent financent et qui, du coup, pensent décider, eh ben ça change tout. Nous, on a eu beaucoup de chance là-dessus. On a eu quand même de l'écoute assez attentive, assez intéressée des élus locaux. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, ce rapport de force dont on parle, il est quand même absolument nécessaire. Et puis, je terminerai sur la question des relations, c'est la relation à son territoire. Quand on se rend compte qu'à travers les conventionnements, il ne s'agit pas de dire à un paysan oui ou non, de dire à un producteur ou de dire à un point de vente oui, on veut travailler avec toi, c'est pas que ça les conventionnements. En tout cas, nous, on a découvert qu'il y avait des formes de conventionnement qui étaient différentes. On peut poser des enjeux de conventionnement sur des lieux qui sont absolument lointains de ce qu'on voudrait, et on pourrait imaginer de poser des objectifs de transformation, les convaincre, les accompagner, et dire en fait on est dans ces quartiers, il y a du monde, on peut poser un enjeu de transformation sur ces lieux. Et du coup on commence à imaginer qu'il y a un travail à faire sur la transformation des paysages alimentaires, qui est un facteur central dans la question de l'accès à l'alimentation. Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi l'environnement dans lequel on grandit et dans lequel on a droit et possibilité de consommer. Et poser un enjeu de transformation là-dessus, eh ben ça, c'est, je trouve que c'est important. Et voilà, du coup, dans le conventionnement, c'est valider des points qui sont existants, poser des enjeux de transformation sur ceux qui sont loin de ce qu'on voudrait. Et du coup, encore une fois, avoir ce rapport de force un peu doux sur cet accompagnement, cette transformation. Et après, le conventionnement, on l'imagine aussi comme une possibilité de création de nouveaux points de vente. Et donc là, quelle est la place des citoyens dans la définition de ce que serait un point de vente rattaché à une caisse alimentaire qui répond aux objectifs à la fois d'accès, de produits, mais aussi de gouvernance, mais aussi de modèle économique. Voilà. Je trouve que c'est au-delà des résultats de la question de la redistribution d'argent sur une société, c'est comment on en fait des outils de transformation, de développement et d'investissement d'une nouvelle société qui est un enjeu central et urgent. Merci. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. Je vais passer avec le micro. Merci. Ma question s'adresse à Marco. Tu as dit tout à l'heure deux trucs qui ne me paraissent pas conciliables et qui demandent à être éclairés. Sans doute n'ai-je pas bien compris. Comment sont compatibles un tirage au sort et un volontariat? Ça, c'est ma première question. Et puis une seconde question qui est le fonctionnement de la gouvernance que tu as évoqué. Et notamment, comment ça s'articule? Est-ce que c'est une logique d'association, de gouvernement, d'assemblée générale, de conseil d'administration, de président? Et là-dedans, comment vient le comité scientifique? Donc là, il est question de pouvoir de fait qui, peut-être, quand on démarre, sont insensibles, mais qui, très vite dans la durée, vont apparaître. Alors, pour répondre à la première question, donc c'est sûr que les tirages au sort, ça a été un choix difficile hein, de dire en fait comment faire entrer. On a 47 personnes qui ont décidé, c'est le comité citoyen, ils vont expérimenter l'usage de la monnaie et donc participer à la caisse. Et puis on ne peut pas expérimenter avec toute la métropole, donc il va falloir dire non. Et cette question, je crois que peu d'entre nous l'avaient anticipée, en tout cas on savait qu'il fallait la traiter. Il y a eu différentes temps de réflexion, différents scénarios, ceux qui arrivent, rentrent, et puis on voit à quel endroit ils se posent en termes de cotisation, et puis on dit ça va consommer tant de budget, et puis quand il n'y a plus la place, il n'y a plus la place. Et donc, quid de la question de qui veut rentrer? Est-ce qu'on ne passe pas à côté des gens qui en ont besoin? Est-ce qu'on va finir par avoir... en fait, nos copains, quoi, les militants urbains, est-ce qu'on est attentif ou pas à cette question de la précarité et donc de la place des personnes qui vivent ces situations de précarité, parce qu'on a envie qu'ils nous disent qu'est-ce que ça fait de participer à ce projet de caisse. Et donc, le tirage au sort, c'était, on essaye de décrire sur un tableau la métropole du point de vue socio-économique, donc 4 niveaux de revenus et 3 niveaux d'âge. Là, on a lancé un appel à participation très large, le plus large possible dans les structures sociales et de solidarité, à travers les pouvoirs publics, à travers les médias, par les réseaux. Et on a demandé à tous ceux qui souhaitaient rentrer dans les dispositifs d'expérimentation de candidater et donc de donner des informations avec une grande fourchette sur la question de revenu, sur la question de la famille, c'est-à-dire du foyer. Et effectivement, globalement, on rentrait dans des cases et on a réparti les places et on a fait un tirage au sort. Ça a été très long à décider. Ça a été une prise de décision qui a été faite, une proposition du comité citoyen qui a été évoquée à un collectif de coopération. Et du coup, là, je rentre dans la partie gouvernance. En fait, il n'y a pas une association, donc il n'y a pas un conseil d'administration, donc il n'y a pas un président, donc il n'y a rien. C'est un collectif de coopération qui porte le projet sur la base d'orientations communes qui ont été signées il y a un an. Voilà, on ne voulait pas faire une charte, on a fait des orientations communes. Et à partir de là, ben, en fait, on rappelle tout le monde, toutes les structures qui veulent participer à ces collectifs de coopération. Dedans, je pourrais un peu m'étaler sur la diversité de ceux qui composent les collectifs de coopération. Mais ce sont globalement les associations et les structures qui ont participé à l'élaboration du projet, de la modélisation de la caisse. Ensuite, il y a le comité citoyen, qui sont donc les 47 citoyens qui sont venus de façon volontaire. Là aussi, je vous ai parlé d'un temps de mobilisation dans les quartiers où on a dit, au mois de septembre, il y a les comités citoyens, on parle d'alimentation, l'alimentation comme un enjeu politique. L'idée, c'est de monter une caisse et de discuter des critères de cotisation, donc qui cotise combien, et du conventionnement. Voilà. Et donc ces comités citoyens-là, c'est la deuxième instance de gouvernance. On a un comité de suivi, c'est-à-dire qu'il y a les financeurs et les collectivités locales qui financent au pas, avec qui, en fait, on entame un dialogue qui est comment cette caisse vient percuter la façon dont les politiques publiques se construisent aujourd'hui. Et donc, c'est là qu'en fait, on informe, il y a des prises de décision aussi. Il y a eu la dimension budgétaire aussi, dans une négociation de cette expérimentation à 200 000 euros, il faut les trouver. Et ensuite, on a ces comités de suivi, un comité de recherche. En fait, on a réuni autour de l'expérimentation différents chercheurs qui travaillent sur plusieurs thématiques, notamment les changements de pratiques alimentaires en sociologie de l'alimentation, les questions économiques avec une chercheuse qui travaille sur les modèles économiques d'innovation sociale et une économie sociale et solidaire, des chercheurs en agronomie qui travaillent sur les questions des systèmes alimentaires. Et l'idée, c'est qu'on puisse être accompagné et qu'on puisse cadrer, avoir un cadre de suivi et de recherche autour pour pouvoir analyser, du point de vue scientifique, les résultats des enquêtes qu'on est en train de mener. Alors, les 47, les 47, ils sont arrivés le 1er septembre et ils sont restés. Voilà. Il n'y a pas eu de candidature. Il y a eu une mobilisation. On ne savait pas s'il y allait avoir le samedi matin, 1er septembre, on ne savait pas s'il y allait avoir 7 personnes ou 300. Il y en a eu 47, il y en a eu 50 environ. On en a perdu 2 ou 3. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une volonté de participation. Parce que quand on parle de l'alimentation comme un enjeu politique, en fait, ça touche tout le monde. Et cette idée de co-construire, de participer, en fait, ça attirait 47 personnes, on va dire, et les 47 sont restées. Ok. Moi, j'ai quelques remarques et une question ou à minima une interrogation. Je vais essayer d'être rapide, mais ça va être compliqué. Première chose, sur la sécurité sociale d'alimentation, je reste assez sceptique pour une raison que j'y ai pensé ce matin dans la conférence. Je ne l'ai pas énoncé comme ça, mais si vous avez des réponses là-dessus, ça m'intéresse. Mais en gros, la sécu, c'est prendre en charge un risque. Et par exemple, si on a un cancer, ce n'est pas forcément un risque, mais c'est vraiment des coûts énormes. Donc ça, c'est la sécu qu'il faut sauver, parce qu'elle est morte, là, ils l'ont tuée. Il faut quand même être honnête, il n'y a plus grand-chose qui en reste. L'hôpital public est mort, il en reste encore, mais c'est vraiment mourant, quoi. Donc peut-être que ça serait ça la priorité, par rapport à l'alimentation, qui est un besoin quotidien. Et donc ça revient sur la question des salaires ce matin, etc. Moi, je suis plutôt favorable aux salaires. Bref, ça, c'est une remarque. Autre chose, un point d'accord. Je pense que oui, effectivement, on a gagné, on va gagner. C'est pas encore évident, mais le capitalisme est mort et on a un allié de poids. Paradoxalement, il me semble, bonne nouvelle, je pense, ça a marché toutes ces expérimentations grâce à l'inflation. Moi, je me suis rendu compte de ça l'année dernière sur une activité militante, je sais plus quelle manif, etc. Et là, je me suis rendu compte que le café solidaire du Chiapas qui coûtait un bras, en fait, il était moins cher que le café Pérave du supermarché maintenant. Donc l'inflation, même si ça pousse les gens dans la merde, ça nous pousse au cul, mais ça va aussi aider et viabiliser d'une certaine manière ce genre d'alternative. Donc très bonne nouvelle. Après, l'interrogation, elle est, comment dire, sur un certain nombre de termes utilisés, copiles, les passages à l'essai, tout ça, comme je l'ai dit ce matin. Moi, je fais du management quand je travaille, et je retrouve beaucoup de choses du management. C'est le monde qu'on respire, hein. C'est l'univers dans lequel on vit, c'est normal, c'est pas grave, c'est comme ça. Et ces expérimentations, je pense qu'elles vont être précieuses, d'abord, dire le positif, parce qu'on va en avoir besoin, puisque... le capitalisme, il fournit plus les moyens de reproduction de notre production, de la vie, en fait. Donc, comme mode de production, il est mort. Mais mon interrogation, elle est liée aussi à une absence. Il n'y a pas, par exemple, à cette table, les brigades de solidarité qui ont exercé à Saint-Thé, qui sont dans le périmètre, là, mais qui ne sont pas à cette table, et au niveau de toute la France, et sur des modes de fonctionnement qui sont vraiment différents. C'est-à-dire que, évidemment, c'est précieux, toutes ces réflexions. Des fois, j'ai quand même pas l'impression qu'on utilise une masse pour enfoncer une aiguille, mais c'est précieux dans le cadre d'une potentielle généralisation. Ce qui m'interroge, et j'ai presque fini, c'est par rapport à ces choses comme les brigades de solidarité qui ont réuni des antifas, des supporters de foot, des anards et des communistes, chose qui ne s'était pas vue depuis la Première Internationale, très bonne nouvelle, et ça s'est fait. Tout ce dont vous parlez, ça s'est fait, mais de manière beaucoup plus informelle, sans copile, sans réunion. Alors, c'est peut-être moins généralisable. Je ne veux pas opposer les deux. On est d'accord. Mais, et vient la question et l'interrogation, je me demande dans quelle mesure, nous, en tant que globalement privilégiés, moi, je suis précaire aussi, mais enfin, on a du capital culturel à minima, ça nous réunit. Quelque part, s'il faut chercher un déterminant, on est quand même sociologiquement typé ici. Est-ce que ce n'est pas une façon de préempter l'avenir? Et le risque que moi, j'entrevois, c'est une question vraiment qui m'angoisse, en fait. C'est dans quelle mesure tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on construit là, ça va être utile, comme je l'ai dit, ou est-ce que ça ne va pas pouvoir aussi, à certains moments, rentrer en confrontation avec d'autres façons de faire? Il y a des gens, pendant les révoltes urbaines d'il y a quelques mois, qui sont allés piller des magasins alimentaires. Je ne crois pas qu'ils l'aient fait pour faire du pognon, pas seulement. Ils ont aussi organisé des redistributions. Par ailleurs, les brigades de solidarité, c'est des choses qui ont émergé, même si elles ne sont pas visibles là, mais on les connaît. Il y a des choses qu'on connaît beaucoup moins, des systèmes de solidarité dans les quartiers populaires qui se sont auto-organisés et qui sont vitales. Il y a l'après-m à Marseille, mais ça a émergé. Voilà. Et donc, cette question, c'est celle-là. Il y a un risque que nous, là, blancs en gros, quoi, hein, pour caricaturer, on soit en train de préempter le futur. Et il faut qu'on fasse attention à ça, je crois. Ça m'inquiète, en tout cas. Voilà. J'ai une réaction, mais vas-y. Ouais, juste, déjà, on n'est pas que blancs dans le comité citoyen de Montpellier. Ensuite, le capitalisme qui est mort, je veux bien qu'on en discute tous les deux après, parce que va voir la queue au McDo, va voir la queue à Ikea, va voir les chiffres d'Amazon, Uber Eats et tout ça. Je pense qu'il a encore, malheureusement, de belles années devant lui. Ensuite, je crois que personne ici est contre les violences urbaines, personne ne dénonce les pillages des magasins alimentaires et tout ça, et ça n'empêche pas, en fait. Et c'est toi qui disais que tu travailles dans le management, tout à l'heure. C'est peut-être pour ça que t'as pas trop confiance en nous, là, qui sommes à la base, en fait. On va arriver à faire remonter notre réalité, en fait. Mais il y a toujours un risque, en fait. La vie, c'est risqué. Je travaille en psychiatrie, donc c'est mon discours au quotidien. Je pense que ça suffit d'accepter que ce soit les gens en haut de la pyramide qui pensent pour nous. C'est juste ça, l'idée, en fait. Et du coup, s'il y a des copains qui s'organisent différemment et avec un peu plus de violence et tout ça, enfin, moi, je suis OK. Je ne sais pas si tous les copains du comité citoyen sont OK, mais nous, on essaye différemment, en fait, de proposer une alternative et voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais on peut rediscuter tout à l'heure. C'est juste ce que rappelait Bénédicte, n'opposons pas ce qui existe et qui a sa place, évidemment. Les brigades, au moment de la crise sanitaire, heureusement qu'ils ont su se mobiliser et ils se sont mobilisés en masse. Voilà, chacun agit sur une réalité et ça serait dommage, tu vois, de se dire il y a ça et puis on ne peut pas forcément cheminer sur le même tempo tous ensemble tout le temps. C'est très bien qu'elle soit là, les brigades, et on sera sûrement amené à un moment donné à se croiser, je ne sais pas de quelle manière, mais il me semble que ce n'est pas ça le sujet. Et ton frein, là, sur, effectivement, à la table, alors demain, il y aura d'autres personnes qui seront à la table, c'est jamais facile pour plein de gens d'être face aux autres et de prendre un micro. Donc ça, il faut vraiment le respecter. Donc il se trouve que certains arrivent à le faire, parce qu'effectivement, comme tu dis, le capital culturel et tout ce que tu veux, mais ça ne veut pas dire... Alors, comme dit, voilà, il y a des risques, effectivement, mais si chaque fois, tu vois, on essaye de se dire « Ouais, bof, c'est pas si mal, mais... » on va jamais essayer de tenter des trucs, de pas y arriver, de se tromper, mais de continuer, tu vois, l'effort, parce qu'il est énorme, il est décourageant, il est très rude, et si tu veux, c'est un risque aussi de dire ce que tu dis, tu vois. Nouvelle question. Non, simplement, non. Je voulais rebondir parce que pour moi, en fait, j'ai rencontré des personnes qui m'ont parlé des risques du quotidien. Et du coup, non, le monde actuel, il est risqué. Il y a des personnes qui se lèvent et qui risquent de ne pas manger. Et des enfants qui se lèvent et qui risquent de n'avoir qu'un repas dans la journée. Et en effet, peut-être que le rôle d'une sécurité sociale, et avec une branche alimentation, c'est de prévenir ce risque-là. Et en plus, ça fait énormément de faire d'économies, je pense, à la branche santé, parce que le système qu'on pense aussi, et tel qu'il est pensé, bah voilà, il va intervenir et permettre aussi une meilleure santé des personnes qui subissent ce risque de mal manger et ses effets. Et enfin, je vois un autre risque qu'on vit aussi et qu'on traverse, c'est le fait de perdre nos terres cultivables, de perdre nos paysans. Et ce risque-là, on est dedans de plein fouet si on ne réagit pas maintenant. Donc, alors, on n'est pas dans quelque chose de spectaculaire, avec un effondrement total, une catastrophe qui fait qu'on va avoir plein de réactions. On est dans ce qu'on appelle un phénomène qui serait spectaculaire. Ça veut dire qu'il est là, il est parmi nous, il nous ronge. Et quand je dis ça, en fait, je ne le dis pas pour utiliser un nouveau mot, un grand mot. Je dis juste, c'est obligé qu'on soit un petit peu des fois pétrifié et découragé parce que ce n'est pas hyper joyeux, en fait, ce quotidien-là. Et ce risque-là, surtout qu'on nous le déguise, on nous le maquille et on nous fait croire que c'est nous qui sommes toujours en train d'agiter des épouvantails pour faire peur aux gens et que tout va bien. Parce que face à chaque problème, il y a une solution. Et c'est bien plus compliqué que ça. Oui, non, c'était pour participer à cette discussion qui s'est ouverte. Et effectivement, moi, j'ai beaucoup entendu et bien apprécié la remarque de Bénédicte sur le fait de ne pas opposer les expériences. Je voudrais volontiers enfoncer le clou, mais je pense qu'on sera tous d'accord, pour dire que cette notion de ne pas opposer les expériences, elle doit s'ouvrir à tous les droits fondamentaux qui sont aujourd'hui bafoués par le système. Bien sûr, l'alimentation, la santé, le logement. La semaine dernière, dans la Loire, il y a 100 gamins qui ont dormi à la rue. On accepte ça aujourd'hui. On nous dit 2000 en France, c'est largement sous-évalué, etc. Le droit fondamental à la dignité, à l'exil, enfin, tous ces droits fondamentaux. Et ne pas opposer, même si on sait bien que toutes ces mobilisations, elles sont diverses, elles contribuent quelque part à une remise en cause du système, mais pas de façon globale. Et au-delà de ne pas opposer, je crois qu'il y a aussi la notion de relier. Et au mieux, on fera tout pour relier, on l'a entendu ce matin à travers le débat, par exemple, avec les syndicats, mais relier les questions de tous ces droits fondamentaux, c'est aussi sûrement permettre d'avancer. Et juste là-dessus, je crois que le système, lui, son projet, c'est au contraire d'opposer ces précarités. Et je suis précaire, je suis français, c'est la faute de l'immigré, c'est toujours la faute du plus pauvre que moi. Et il faut arrêter ça, et je crois que cette notion, je ne sais pas si ça contribue aussi à la question de Nicolas, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on doit porter parce que les urgences, elles arrivent pas, elles sont... Merci. Je voulais juste dire que l'important, c'est le trajet, c'est pas la destination. et nous sommes en chemin et nous allons faire des erreurs, nous avons déjà fait, on va faire des erreurs. Donc il faut qu'on reste humble dans l'humus en tant qu'humain. Humain, humus, humilité, c'est la même racine. Ben merci Philippe pour le mot de la fin. Et deux petites choses. La première, ben, bon courage à Montpellier pour poursuivre et clôturer cette expérimentation. Et bravo à vous déjà d'avoir lancé. Pour nous, Saint-Etienne, le plus dur maintenant, ça va être de le mettre en place. Donc là, on a parlé de plein de belles choses, mais on a des expérimentations. Il y a déjà eu des distributions qui ont été faites. Il y a déjà eu des bons d'achat, etc. Mais on en est vraiment qu'au tout début. On a besoin de vous. S'il y a des volontaires, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a une prochaine assemblée qui est ouverte à tous, qui aura lieu dans la deuxième quinzaine d'octobre, mais venez sur le stand, on vous dira la vraie date. On est en train d'écrire aussi une charte, on est en train de parler de qu'est-ce que c'est que l'alimentation. On est en train de créer les différents groupes, on est en train de créer les sujets, de savoir comment on va se redistribuer cet argent. On va aller voir des partenaires, on a besoin de vous pour tout ça. Et enfin, sur le stand aussi, vous pourrez retrouver une autre façon de soutenir notre démarche. Vous pourrez acheter à prix libre une BD qui a été faite par le Collectif National de la Sécurité Sociale de l'Alimentation, qui s'appelle « Encore des patates » et ça nous servira à financer nos différentes actions. Et je crois que j'oublie un truc. Merci à tous.